enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Ouais, notre clan. Notre clan n'est pas innocent. La police a fouillé partout. Notre clan n'est pas tout blanc. La police a trouvé notre trou. Nous avons trouvé la colère de la ville réveillée, l'enfer. La fin du monde n'est pas pour nous. Les braves gens voudraient que tout s'achète, que la vie soit sans arrêt. La police assure que tout va bien, que nos vies sont sur la fin. Le cœur des hommes est à refaire. Quand minuit sonne, nous sommes en guerre. La lune accuse un gris de face, un temps de pause. On va descendre encore plus bas, trouver la nuit, trouver le souffle. La terre est forte, la terre en vibre. On va descendre encore plus bas. Notre clan aura-t-il un fils à remonter à la surface, à mettre aux fesses de la police. Nous avons vécu de survie, de blessures et d'excuses aussi. La fin du monde n'est pas pour nous, n'est pas pour nous. Si Dieu s'en mêle, le clan s'allonge. Dieu s'en mêle, nos affaires plongent. Quand minuit sonne, le clan se donne, le clan se donne. Nous sommes des gens qui glaçons le sol, le sang, la peau de nos ennemis. Nous ferons ennemis, nous saurons faire. Notre clan aura-t-il envie de remonter par la crevasse, de vivre ici plutôt qu'en face? Pas innocent, la police a fouillé partout. Notre clan n'est pas tout blanc. La police a trouvé notre trou. Tout excellente cette chanson-là. Après deux fois, j'aime beaucoup aussi. C'est super. C'est super sans plomb. Bienvenue, mes amis, sur CKRL. Ben, en fait, on n'a pas changé de poste. Là. C'est juste une chanson. Pas une chanson, c'est juste une émission qui voit le jour. C'est bien. Moi là, je vais te dire, mon ami, ce qui me plaît là-dedans, c'est que chaque personne qui emprunte le micro parce qu'on le prend pas puis on l'amène pas à la maison, quoique moi, oui. J'ai cette chance-là parce que je suis au studio des Abbesses, mon studio personnel. Et je retransmets presque en direct. Il y a un retard mental. M'entends-tu, Chantal? Ouais. Un arrêt mental. Mental non cérébral. Ouais, le fils de. Le grand-père de. Puis la mère de. La mère. La mère qu'on voit danser le long des gorges. J'allais dire des gorges claires. Mademoiselle, des gorges claires, à des reflets d'argent. La mer. En parlant de la mer, je visite ma mère, pas mon eau, mais oui, celle qui m'a mis au monde, donc qui a laissé les effluves passer entre ses jambes pour me laisser une place. Laisse-moi une place aujourd'hui même. Et je vais la visiter régulièrement. Vous connaissez un peu l'histoire. Triple démence et Alzheimer. Et là, je suis rendu au stade où le présent, le passé se court-circuitent. Donc, j'y reviens. Non pas à l'histoire, mais je reviens de voir ma maman il y a quelques minutes. Avant d'ouvrir mon micro. Et je vais vous expliquer un peu, lorsque j'en ai parlé à mon entourage, ils ont trouvé ça intéressant, mais très étrange. C'est que, bon, je vais chercher son lavage, son linge souillé, pour le placer dans mon sac à dos, et ensuite sur mon dos, et rouler avec mon scooter. Sur mon scooter, je m'en irai dans les chemins d'été. Là, c'est d'automne. Sur mon scooter, je m'en irai à CKRL, à CKRL, devant les autres. Mais je passe souvent devant CKRL, donc pour aller voir ma maman. Et là, on est rendu à une étape de la maladie où le présent chevauche assez facilement le passé. C'est-à-dire que là, je ne suis plus son fils. Non, je suis son frère. Et ma sœur n'est plus ma sœur, mais c'est ma fille. Et ses enfants n'existent pas, parce que ma sœur a des enfants, c'est sûr. Ils n'existent plus. Et il y a quelques mois, j'ai commencé à discuter avec elle parce qu'ils ont eu un hôtel à Saint-Roch. Ma grand-mère avait l'hôtel Matapédia. Mon grand-père, surtout moi. Ma grand-mère travaillait très fort pourvoyez-vous entendre au loin. Parce qu'il faisait sortir mon grand-père, les prostituées. Il ne voulait pas ce genre de clientèle-là dans son hôtel. Donc, ça s'appelait, je le répète, l'hôtel Matapédia. Si vous connaissez ça, écrivez-moi à renalquebec@commercialhotmail.com. Ça a passé au feu en passant à Saint-Roch. Là. Pas là maintenant. Là. Appelez pas à 911. Hey, Claude! Hey, Claude! Claude Fournier, Claude, allô, hey, Claude, Claude. Excuse-moi. Non, je suis le gonaire, là. Le gars radio. Il y a un gars radio. Une fille, je sais pas, un transéant, hein, on sait pas, mais il y a quelqu'un. Hein, j'ai entendu une voix. Je suis pas un malade, moi, là. Monsieur, Claude, raccroche pas. Claude, mon ami, cloche pas le repas. Cloche pas le repère, moi te dire le chemin à emprunter. Mais. Je suis gonaire parce que, en tout cas, la voix qui m'est parvenue aux oreilles, oui, je suis un ancien didacticiel, moi. J'ai fait une université j'étais pompeux à l'époque et maintenant je suis pompette. Pompeux, c'est une blague, c'est jeu de mots. Hey, Claude, je sais que toi, les jeux de mots, c'est pas ça, là, c'est 10-4 Roger. Non, c'est 10-4 Roger Dupuis. T'es encore, Roger, t'es-tu encore en prison? En tout cas, c'est une autre histoire, ça aussi. Il y a plein d'histoires là-dedans, puis il y a beaucoup de ficelles de vérité, OK? Bon, on se tient tranquille. Bon, à quatre pattes. Lèche le sol. Hey, Claude, j'ai entendu un hurlu-berlu, en tout cas, quelqu'un, une voix. Je suis devenu Jeanne d'Arc, moi, là, Jeanne d'Arc Charlebois. Ami, non, mais Jeanne d'Arc sort de cette bouche. Et le monsieur a dit, on ne sait même plus ce qu'il a dit. Ah oui! Il a dit ça. C'est normal, ça. Hey, ça, c'est une... Excusez-moi de répéter le ça, mais c'est une belle sortie. Parce que je me souviens plus de l'origine de tout ça, là. C'est pas important. Non, appelez pas, c'est pas un début d'Alzheimer. Non, moi, l'Alzheimer... Yammer, c'est pas mon cas. Mais là, je vais voir ma maman. Et on parle de présent, de passé. Ah oui, c'est ça, ça passait au feu, l'hôtel Matapédia à Saint-Roch. Claude Poirier, appelez-le pas, là. C'est il y a quelques années, là. Bon. Très longtemps. Peut-être que le trois quarts des auditeurs, auditrices, des pompeurs et des pompeuses n'étaient pas au monde. Êtes-vous membre de CKRL, vous qui m'écoutez, mes amis? Allez, donnez de l'argent. Si vous en donnez, le son risque encore d'être Dolby Surround Digital et Crystalline. Quand c'est Crystalline, là, ping, et ton oreille se lave automatiquement. CKRL a eu un brevet, en fait, je leur ai proposé un brevet, qui fait en sorte que lorsque vous entendez le son qui sort du 89.1 de votre radio, ça nettoie votre tympan et ça vous donne l'oreille universelle. Personne ne sait ça, là. Attention, Gaétan. C'est un scoop, là. Appelle pas n'importe qui, là. Surtout pas Claude. Claude, l'hôtel n'est pas en feu. Là. Elle était en feu, en pleine nuit, une sirène. Oui, appel au feu, tous les pompiers. Oui, mais là, c'est à l'époque. Alors, mon grand-père tenait ça, cet hôtel-là. Ma grand-mère faisait le ménage, nettoyait le linge, toute la lingerie, la lingette. En tout cas, elle faisait de la lingette. Elle travaillait, écoutez, 75 heures par jour. Je sais qu'il y a 24 heures, mais elle, c'était 60. C'était incroyable. Je regardais ma grand-mère par le hublot. Je n'étais pas encore au monde, moi, là, mais le hublot du haut, là, c'est-à-dire les nuages, parce que les enfants passent par le nuage avant d'atterrir dans le corps de la mer, puis le fleuve de l'existence. Si elle prend ça en note, c'est beau, le fleuve de l'existence. Fleuve de l'existence. Le fleuve. Puis c'est pas le fleuve Saint-Laurent. Le fleuve, c'est comme l'histoire. C'est long et plate. L'histoire, c'est ennuyeux parce qu'il faut savoir des dates. Moi, je suis né en 1993. Il n'y a pas si longtemps. Là, je suis un jeune garçonnet. Vous savez qu'à Pétain, il y a un cochonnet. Moi, je suis un garçonnet. Là. Un peu cochonnet. Mais puis j'aime bien ça jouer avec le cochonnet. Il se passe des affaires. C'est pas une platitude, la vie, avec ça. Là. Quand tu vis côte à côte avec un cochonnet, tu te dis, lui, il va connaître la cochonnette. Oh là là, la cochonnette verra. Elle verra quoi? Elle verra tout. Donc, on va revenir à mon instant, à l'instant que je vous disais que ma maman. Donc, je m'allais à l'hôtel Matapédia. Il y avait, Il y avait un grand... Non, il y avait une table dans la cuisine, mais une table gigantesque qui avait gravé l'esprit de ma maman. Mais je ne l'ai su qu'il y a quelques semaines, quelques mois, lorsqu'elle m'a divulgué ça dans une discussion quelconque. Et là, quelques jours après, je reviens la rencontrer, je la revois et je lui parle de cette table-là. Elle se réanimait. Et à chaque fois que je la vois, je reparle de la table et je vois que ça la titille. Ça a fait quelque chose dans sa vie, même si elle ne m'a rien dit de toute sa vie de la table qui l'a impressionnée. C'est comme une photo, hein? Lorsque vous faites de la photo, madame, mademoiselle, vous impressionnez l'iris de l'objectif qui vous prend. C'est pour ça que le photographe, il dit parce que lui, il est sur l'automatique. Là. En parlant d'automatique, j'ai... Oh, il faut en parler un peu. On est ici pour ça. Puis même si ça délire un peu, là, on sent que ça se délaisse les bretelles. Je me suis, après avoir été voir ma maman, je parlais de la table, tout ça, puis qu'elle avait marqué. Je me dirige par la suite pour manger mon hamburger poutine. Et pour aujourd'hui, c'était chien chaud Michigan. Et monsieur, ça poustille. Ça poustille. Hey, Raymond, ça poustille-tu? OK. Hey. On risque de court-circuiter le clavier. Et sinon, ben, nous partirons dans la musique dans quelques minutes. Si tout va bien. On continue, Prépus. Et donc, j'ai mangé un hamburger classique. Là. Moi, c'est oignon frit. Non. Hey, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup plus. Hey, là, c'est important de parler ça. Il faut dire ça aux gens qui nous écoutent à la radio. Si vous aimez l'oignon cuit, demandez la prochaine fois de l'oignon cru. C'est plus goûteux, c'est moins dilué dans l'autre oignon, parce que quand tu demandes un oignon cru, les oignons restent comme coincés entre eux, puis ils bougent pas. Hein? Moi, je te connais pas. T'es qui, je te connais pas. C'est comme une communion qui ne communique pas. Bon. En fait, c'est un peu l'exemple, on va revenir là-dessus pour quelques secondes, le haut puis le bas Canada. Et quand tu demandes de l'oignon cuit, ça s'incorpore, c'est tout croche. Puis là, ça crée un jus chaud. Ce jus chaud-là mange les autres oignons. Puis, tu sais, c'est comme une partouze d'oignons dégueulasse. Là. Alors, je vous conseille l'oignon cru. Parce qu'ils sont coincés, oui, mais tellement savoureux. Vous êtes sur ça. Hey, non, je ne sais pas de pas, ça, là. Partez pas sur Galilée, parce que... T'sais. Il est grand le mystère de l'oignon cru, qui l'aurait cru, l'ustigru, le père a répondu. Va voir l'autre provocateur. En parlant de provocateur, hey, encore aujourd'hui, c'est vrai, c'est une blague. J'ai rien d'impossible. Tout est improvisé, c'est merveilleux. J'ai le cerveau qui m'ébullionne, le cervillonne. Au collation, ah là là, quel flippant, ah là là là là là, oh non non, quel lolo, ah papa, ah là là, ah non mais non. On met un peu de musique pour adoucir l'atmosphère, ça sert de quand je me... chose que je ne dois pas faire, c'est me réécouter. Parce que dans Rénal, il y a réécouter. Quand je me réécoute, je me trouve tardant, je me suis pas rendu aussi loin. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin. Mais je ne sais pas comment c'est là-haut. Hey, Ginette est en bas. Prends-moi le bien. L'autre bien. Et puis donc, j'étais en direction de manger mon hamburger oignon cru, pas cuit. Et pendant ce temps-là, à la caserne, non, pendant ce temps-là, Non, c'est en revenant, excusez-moi. Oh mon Dieu, mais les gens ne le savaient pas. T'as... Non, mais moi, j'aime, je suis un fou. Mais pas juste un fou, là. Un fou de l'exactitude. Je peux vous dire qu'il est présentement minuit 20. Vous êtes sur le 89.1 à Québec. C'est KRL. Ici, au studio, comme je le disais tout à l'heure, au studio des abeilles. Là, comment on appelle ça, les abeilles? Comment on l'appelle? A, B, B, abeilles, abeilles, abeilles, pas tes noms, reste bon. Abeilles, 18e arrondissement. Et A, B, B, E, S, S, E, S. A, B, B, E, S, S, E, S. Studio des abeilles. Et donc, je reviens, pas te chercher, mais je reviens de manger mon petit mets, mon mets rapide, pour ne pas dire un passe-poup. Et pendant ce temps-là, il n'y a pas de caverne. Je continue, je vois une voiture blanche et je veux faire un 180. Enfin, je veux retourner sur moi-même pour prendre l'autre partie de la route, histoire de ne pas bloquer le chemin d'une rue qui est très passante. Alors, on vous rencontre. Je vais vous raconter le truc. On est sur la 18e rue. Une rue quand même qui roule. Puis il y a beaucoup de trous quand tu te places à droite. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de je n'appelle même pas ça, madame, des nids de poules. C'est des nids qui nie d'être un nid. Et quand tu nies d'être un nid, tu sais, c'est comme quelqu'un qui dit « Ah non, mais moi, j'ai réussi mon examen, moi, là. Ah oui, j'ai eu 57, ça prenait 60, mais c'est parce que le professeur, il m'aime pas, mais il dit « Il y a trop de fautes. Hey, » il met une faute sur une virgule au lieu d'un point. Un point, c'est 3 respires, une virgule, c'est 1. Voyons donc, c'est quoi l'insignifiance là-dedans? C'est-tu lui, là? En fait, c'est pas un lui, c'est un lui qui est devenu une aile qui est devenue... En tout cas, il est tout mélangé. Même là-dedans, il est mélangé. On ne sait même plus ce qu'il va devenir. Professeur d'aristocratie. Et s'il devient professeur d'aristocratie, ce ne sera même pas ici, parce qu'on n'a pas besoin de ça, nous autres, ici. Ça risque d'être en Belgique, en Suisse, bon, dans les endroits francophones, parce que lui, c'est un à la fonde, en tout cas. Et donc, je tourne. Et je vois une voiture blanche. Et la voiture s'arrête. Je fais le tour et je me rends compte que elle me parle, pas la voiture, mais les gens à l'intérieur. Je sais que les voitures me parlent pas, moi. Ça fait pouf, pouf, pouf. J'ai dit, putain, tu dégages. Non, ça fait pouf, pouf. Fait que là, ben, non, lui, il n'a pas fait pouf, pouf. Il a parlé, mais j'ai pas compris. Parce que je vais de la musique dans mon. J'ai un casque, là. Puis dans mon casque, j'ai des écouteurs. Et j'écoute du punk des Zingetat. Oui. On n'a pas compris. J'ai dit, j'écoute du punk des années 80. Ah, oh, on a compris. Ben voilà. Et, mais là, je baisse le son. On ouvre le son. On baisse le son. Là, il y a comme une descente du gag. Non, on continue. Non, faites-vous-en pas. On va remonter. En âge synchronisé, on synchronise. Puis à un moment donné, on désynchronise pour avoir moins de notes, pour laisser la chance aux gens qui ont moins de piscine, là, de performer. Hein. C'est important de performer. Donc, là, je tourne et je me dirige vers le côté, non pas du chauffeur, donc du visiteur. On dit pas ça du visiteur, en tout cas, de la personne qui conduit pas. Parce que c'était une jeune fille. Elle baisse sa vite. J'ouvre mes oreilles. Elle me dit « Bonjour, monsieur. » Je dis « Bonjour. » Tout le monde, ils étaient 5 dans la bagnole, ils avaient un rictus. Un rictus. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un rictus, ça s'écarrelle tout le monde. Hein? Vous étiez auditeur, vous avez payé votre part. Vous savez, rictus, vous avez un secondaire avancé, un cégep avancé, une université avancée, vous êtes très avancé. Donc, mais je veux le dire pour les gens qui pensaient entendre une autre citation et qui se sont dit « C'est qui cet insigne? » Mais c'est moi. Réginal Boisclair. Et il faut pas se nommer. Ils vont appeler la police. Ils vont m'embarquer avant la fin. Donc, oui, c'est ça. C'est, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut... Guylaine? un nouveau personnage. On n'a jamais dit Guylaine. On a dit Gaëtan, mais jamais Guylaine. Attention. Hey. Guylaine. Guylaine. Guylaine, ma petite vilaine. Oh, mon doigt. Lâche ton châtelaine. On dirait du Clémence Desrochers. On a rendu hommage à Clémence il y a quelques semaines. Si vous nous avez perdus, allez voir le site de CKRL. Là, vous allez... Et puis donc, je me place devant l'autre côté du conducteur. Qui était son père? Parce que je l'ai su quand j'ai vu la jeune fille. Là. Elle dit, « Bonjour, on cherche la direction de... » C'était où, donc? La direction de... où il y a des chanteurs, là. Petite Vallée, donc. De Petite Vallée. Oui. Mais là, vous êtes vraiment pas dans le bon angle. Non, là, j'ai sorti mon français colonisé troisième Dan. Dan, pas dame. Dididam, ça c'est une autre chose. Mais Dan, on dit des Dan. Troisième Dan dans le trou. Et puis là, je dis à Dan, à la Dan qui me parlait. Elle dit, je suis pas une Dan, je suis une dame. Oh, on peut dire une demoiselle. Tu sais, veut dire. Pardon? Attends, hey, en arrière de mon scooter, j'ai 15 Indiens qui vont vous attaquer. Non, c'est pas vrai. Non, restez calme. Bon. Ce que je veux vous dire, madame, c'est que vous n'êtes pas dans bonne érection. Moi, je suis en bonne, mais pas vous. Alors, vous continuez sur la 3e avenue. OK? Sur la 4e, vous allez voir une station de radio qui s'appelle... C'est vrai, j'ai dit ça, là. Hein? Il y a à peu près une heure. Vous allez rencontrer une station de radio qui s'appelle CKRL. Elle dit, ah oui, ben oui, j'ai dit, CKRL, c'est une radio associative. Et je tiens à vous dire que c'est la première, j'ai sorti ma cassette, la première radio associative francophone au monde. On a donné la chance à des gens comme, des radios comme Carbone 14 et La Fesse. Et là, le conducteur, qui était son père, connaissait La Fesse. Ah, pas La Fesse! Oui, puis là, j'ai dit des super nanas. Et non, il y a comme une discussion qui s'est installée grâce à CKRL. Merci CKRL, je t'aime. Il fait du tétage. Il veut que son émission se revéhicule. Là, j'ai pas besoin de ça, moi. Là. Mon véhicule. Moi, j'ai un three-porter avec Cole Porter en arrière. Il y a la musique de Cole Porter. Il y a la gang de Cole Porter. Il est pas mort, là. Il est en arrière de mon char allégorique. De mon three-porter. Et puis, donc, je lui raconte ça. Alors, vous tournez, hein, c'est carrément, hein, première station. Et ensuite, vous allez voir sur la 3e, il y a une fourche. Vous l'enfourchez. Voilà, on va vous montrer qu'on a un langage. Vous l'enfourchez. Et là, en l'enfourchant, tout au loin, vous allez rencontrer l'autoroute Laurentienne. Et ça, c'est comme la poutine, hein? C'est une sauce. Alors, vous tournez vers la sauce. Là, il dit, voyons, non, c'est pété. Mais là, pourquoi ils avaient le rictus? On va revenir au rictus. Leur indiqué. Bon. Pour faire une histoire facile, ils ont compris la direction. Et là, le conducteur m'a dit, si on vous a parlé, jeune homme, c'est que vous aviez un T-shirt, parce qu'ils n'ont pas dit gaminet. Le gaminet, c'est sans doute un mot québécois comme balado-diffusion ou courriel. On dit, vous aviez un T-shirt de Serge Gainsbourg. Et là, j'ai commencé à parler de mon T-shirt de Serge. Effectivement, c'est à l'endroit, c'est au moment où il était invité à Anne Sinclair. Et Anne Sinclair, elle animait le 7 sur 7. Anne Sinclair, qui est la femme de... Celui qui se présentait et qui s'est fait... qui aimait trop les ménagères. Au Québec. Et serais-tu bien au Québec? Y en a-tu de la ménagère au Québec? Oh, de moins en moins. Mais il y en a encore. Hey, là, on a dépassé notre temps. Pour tout ça, pour vous dire que tout ça, c'est vrai. Puis on va arrêter de dire tout ça. Et vous êtes toujours à mon émission. On ne pourra pas dire bientôt je vais parce que, oh, bon, ça, c'est mes ouvertures. Je me suis trop ouvert. L'errance rénaldienne, complice de vos délires, mais aussi visuelle. Comme le mentionnait Jim Morrison, errance rénaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Pas passe, c'est très passe. En pleine nuit, une sirène. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal de Lenéant, gagné. Aujourd'hui, le vendredi 18 septembre 2015, le retour à l'école. Enfin, vous allez étudier, vous allez arrêter de faire les épiceries. Bon. Les errances rénaldiennes présentent plus de route pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de l'auteur, compositeur, interprète, musicien Frédéric Chézal. Frédéric Chézal est un auteur, compositeur, interprète, musicien de chansons groovy, pop rock, décalées, mais qui ne tombent pas. Ses chansons s'écoutent en dansant ou bien allongé devant un allongé. Hein? Un allongé, trois glaces, pas de sucre. Pas de glace parce que je veux l'avoir chaud, voyons donc, toi. En fait, Frédéric a inventé un nouveau genre, le dansant cérébral. Ses textes en français, ses rythmes mordants sollicitent cerveau et cuisses. Mesdemoiselles et Rénal Québec, à commercial, hotmail.com. Genoux et oreilles. Oreille, écrivez-moi pas, ça ne m'intéresse pas. Comme de tout vrai voyage, vous rentrerez épuisé, mais rafraîchi. En juillet 2015, je dois vous expliquer, c'est un chanteur qui s'est infiltré dans mon horaire dû au fait que quelqu'un s'est désisté. Donc, j'avais lancé un SOS sur mon Facebook. Il a répondu le premier, je l'ai invité. Il est venu et par la suite, j'ai discuté avec lui pour faire un mini-concert deux jours plus tard dans un parc. Mais le parc était fermé à 20h30 car nous devions attendre une amie à moi qui avait des cours de danse et qui devait se pointer à 21h. Cette amie s'est vraiment présentée. Le parc était vraiment fermé, mais le banc public nous invitait à un mini-spectacle. L'année prochaine, ça risque d'être plus grandiose et sur ce même banc public. Je le représenterai intégralement lors d'un événement, peut-être la fin de l'année ou au Radioton de 2016. En juillet 2015, CKRL et Rance Rénaldienne se trouvaient là, à Paris, pour rencontrer ce personnage des plus intimistes. Un voyage chargé pour cette nuit bourrée d'étoiles. Et vous en êtes l'une d'elles. Faut-il s'arrêter ici et laisser le générique? Non, pas le générique, on l'a entendu. Mais entendre la musique nous envoûter? Et pourquoi pas? Et surtout, bonne émission. Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL-LF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. T'es mon plus vieux topo, mon copain de départ, mon plus vieux radeau, tes rondins sont tout noirs. Rebouchons le tunnel, rebouchons nos bouteilles. Oh, plus vieux topo, mon cœur est gros, topo, topo, t'es mon plus vieux vélo, mon copain de départ, mon plus beau cadeau, maintenant mon écrasons nos cigares, écrasons nos cafards. Oh, plus vieux mégots, repos. te pose, te rebouchons le tunnel, rebouchons nos bouteilles. Oh, pluvieux topo, mon cœur est gros. Topo, topo. T'es ma dernière connerie, ma dernière clope aussi. T'es mon dernier point noir, je t'aurai au rasoir. Rallumons nos cigares, rallumons le vieux phare. Oh, pluvieux topo, mon cœur est chaud. Topo, topo. Ah, il n'y a pas d'histoire. Mais en Paris, c'est ça souvent, bonjour. Non, souvent, non. À chaque année. Une fois par an. Oui. Vas-y. Non, vas-y. Je vais être sage. Allez-y. Non. Ok. Non, parce que ça va te donner de l'adhérence. Ouais, tant mieux, alors. Merci. Je voulais boire. Moi, je prends un Perrier Menthe, s'il vous plaît. Même chose pour moi, s'il vous plaît. Ok, c'est parti. En fait, je prends souvent la même chose pour savoir ce que ça goûte, ce que l'autre goûte. Tu cherches la fusion, quoi. Oh non, pas du tout, mais des fois, c'est l'intérêt et la curiosité. Mais ça, je connais. Donc, j'ai réfléchi à ce que j'allais boire avant de venir. Ah oui, ben non. J'étais embêté. Pourquoi? Non, non, parce que ça fait longtemps que j'ai pas bu une pelle forte brune fraise avec un sirop de fraise. Mais là, c'est pas ça que tu as fait? Non, c'est pas ça que j'ai fait. Pourquoi? Ben, j'ai dit que j'allais être sage. Ah, ben, ok, il est trop tôt? Ouais, il est un peu trop tôt. Ah, ok. Mais en fait, quelle audace! Comment ça? Ben, parce que en fait, j'ai lancé un appel à tous. Et j'étais à ce moment-là, on est copains Facebook depuis 4-5 mois. Oui. Voilà. En fait, presque à la sortie, tu viens de sortir un album. Ouais, ouais. Non? Si, si, enfin, il est en streaming gratuit. Ok. Tu vois, c'est pas... J'ai pas de label. Non, mais peu importe. Ouais, ouais, voilà, j'ai sorti un truc. Okay, okay. Voilà. Un truc. Pourquoi un truc? Un truc. En fait, tu lances des bouteilles à la mer et... Bah, j'ai envie de faire un disque, un album, avoir un label, avoir des bonnes conditions pour tourner, pour jouer. C'est ce que je cherche, comme tout le monde. Hein. Comme voilà. Tout artiste. Ouais, voilà, être diffusé correctement et puis voilà, et comme j'ai pas de label, j'ai pas de tourneur, et bah, je joue sur Paris principalement et dans le circuit des bars. Et tu fais un double métier ou c'est fait... Ouais, j'ai un boulot alimentaire à côté, ouais. Comme la majorité des musiciens. Ouais. Même comme ceux qui sont presque semi-professionnels comme les One Pass, Didier, au travail. Voilà, si tu veux. Ouais. C'est plus sécuritaire, puis on sait jamais. C'est une obligation, déjà. Moi, si je veux payer le loyer, j'ai pris le parti de faire de la musique tous les jours. Donc, j'ai forcément qu'un petit boulot. Je peux pas faire carrière quelque part, avoir un CDI. Je suis dans les, je suis vacataire, quoi. Tu vois des. Troubadour. Pardon? Tu es un troubadour. Ouais, bah ouais, c'est normal. C'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que c'est, je pense que le côté confortable de faire de la musique, on voit bien qu'il est un peu terminé et que. C'est bien, même. Ça, je pense qu'avoir sa, sa tête sur les affiches à travers le monde, ça a quelque chose de pas normal. Okay. Non, mais quand on... sur Internet. Non, mais il y en a, ils sont choqués de voir des églises partout, Jésus-Christ et tout, mais de voir des sa tronche partout, comme ça. Et de... en même temps, pour ceux qui ont un petit ego, c'est quand même assez... Ouais, le, oui, oui, bien sûr. Mais moi, j'ai tué de l'ego là depuis un an et demi. J'ai fait que ça, finalement. Et quand j'ai réussi à le faire, j'ai commencé à me sentir mieux sur scène, quand je jouais devant 10 personnes, à ne pas faire la tronche. Ils font beaucoup de spectacles de Saint-Jean. Oui, il y a une scène à l'intérieur. Non, j'ai jamais joué ici. Est-ce que j'ai joué... Linda Fernandez fait souvent des spectacles. Bah, je vais lui filer mon, oui. mon flyer, parce que je joue beaucoup. Hein, tous les, en ce moment, c'est quasiment toutes les semaines. Ok, merci monsieur. Merci. Voilà. Mais à quel endroit? Un peu partout dans les bars? Partout là, dans les bars, tout ce que je trouve. Puis même sur les rues, tu te places et... Ouais, ça j'évite parce que moi tout seul je pourrais le faire, mais motiver mes compagnons. Ok, t'es un gros. Voilà, ouais, on est toujours à trois. Alors, enfin moi je fais des trucs tout seul. En solo, quand je fais des scènes ouvertes ou des web radios, tu vois, des trucs comme ça, je viens avec ma guitare, je fais version acoustique de titres qu'on a écoutés avant, que le présentateur connaît, il a envie de l'entendre épuré. Et j'aime bien faire ça, je le fais, c'est pour ça que je peux parler de ça. C'est pas une obligation, hein, si ça s'y prête pas. Mais en même temps, toi, t'es... parce que là, comme tu t'es invité, j'ai pas sorti de bio, j'ai pas fait de travail. Là. Bah, alors, ça va se faire maintenant. Non, non, mais là, ça va se faire maintenant, donc c'est intéressant, je trouve ça... Puis ça m'arrive aussi à chaque année de. Ben, il y a toujours quelqu'un qui se désiste parce que le boulot malheureusement va durer plus longtemps, donc ils ne peuvent pas quitter. Puis, ils peuvent pas, ils sont déjà coincés à un endroit, puis bon, ils sont en tournée, puis c'est bon, le métro passe pas, en tout cas, n'importe quelle situation, puis j'ai toujours souvent un bloc, là, comme ça s'est produit hier. Et puis, donc, je rencontre, des fois, c'est étonnant, souvent c'est étonnant, parce que les gens ont besoin d'être connus et reconnus, puis à travers notre radio, qui est la première radio associative francophone au monde, c'est KRL, c'est celle qui a amené toutes les radios pirates, les radios anarchistes, les radios libertaires en France, en Suisse, en Belgique, ça vient de chez nous, ça vient de Québec, de la ville de Québec, et c'est KRL diffuse toutes sortes de musique, sauf commerciale, ou si peu, dépendant des animateurs et du créneau musical. Mais je viens ici chaque année. Une fois à l'année. Une fois à l'année, toujours le dernier jeudi du mois de juin. Ben, en fait, je prends l'avion de Québec le dernier jeudi du mois de juin et j'arrive à Québec le premier samedi du mois de juillet. Alors, huit jours. D'accord. Et je meuble de plusieurs, je place beaucoup de rencontres, comme là j'en fais 45 cette année. Bravo. J'en fais 40-45 en moyenne. Ah ouais. Et en fait, moi j'ai plusieurs boulots aussi. Et c'est pas ma radio qui m'amène ici. C'est moi qui choisis de prendre un billet, puis de venir ici, de rencontrer des gens, de diffuser et de présenter ça à mon émission. Donc c'est de mon gré, c'est de ma passion pour la musique et surtout pour la francophonie. Parce qu'il m'arrive aussi d'aller en Suisse, en Belgique. Donc, et de rencontrer des chanteurs, des chanteuses, des créateurs, des musiciens, des poètes, des gens de mots et aussi d'art en général. Et puis, quand tu m'as envoyé il y a 4 mois ton lien, écoute ça et tu m'en diras des nouvelles. En fait, toi, est-ce que tes parents faisaient de la musique avant ou Non, moi, mes parents ne sont pas du tout dans la musique. Je ne suis pas un fils d'eux. C'est sûr. Non, pas du tout. Il y avait très peu de musique chez moi d'ailleurs. Un disque de Bach, les Magnifica, le Abbé Road. Et puis, il était une fois dans l'ouest de New Morricone. D'accord. Il y avait ces trois disques, c'est tout. Voilà. Super. Et d'ailleurs, mes parents les écoutaient même pas. C'était des choses pour paraître. Ouais, un peu, ouais, ouais. Ils, déjà à l'époque, les gens achetaient ça parce que. Ouais, il y avait chaque chancel avait dû citer un truc, ou en faisant les courses alimentaires, tu vois, t'achetais un truc. Tu parles de chaque chancel Non, de qui tu parles? De chaque chancel, ouais, okay, ouais, bah oui. Bah oui, quand ils faisaient des émissions à la télévision, il y avait toujours des artistes de la musique classique aussi, okay, alors je sais pas comment ça arrivait ce truc-là. Mais... Et enfin bref. Et toi, c'est tes amis qui t'ont amené à la musique Ouais, bah au collège, forcément, ça... Ça circule quoi, moi c'était l'époque de Bob Marley, Police qui arrivait, ACDC. Anglo. Ouais, beaucoup d'anglo. Il y a moins aussi... de Nino Ferrer, moins de. Non, moi au lycée c'était pas ça, c'était les grands frères de mes copains. C'est eux qui m'ont mis au français avec les Lavilliers et Renaud et. Brel et tout ça, c'est eux qui m'ont fait découvrir ces trucs-là. Et toi, tu as décidé d'écrire en français? Ouais. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a un... Étant musicalement plus influence anglo-saxonne, je trouvais qu'il y avait un vrai défi à essayer de l'adapter en français, ce truc-là. Donc, j'ai des super morceaux en yaourt en anglais, des fois. Et en français, pour les faire sonner, je suis obligé de les tordre, de ralentir les tempos, changer les tonalités, retravailler la voix. Et je trouve qu'il y a un vrai défi qui est très très intéressant. Et du coup, il se passe, en retravaillant comme ça les choses, je m'approprie, j'espère avoir mon style à terme en faisant ça, plutôt que chanter directement en anglais. Et puis, quand on chante en anglais à Paris, de toute façon, personne ne comprend. C'est vrai ? Oui. Personne ne comprend, alors passer mon langage, s'emmerder à écrire des bonnes paroles, parce qu'il s'agit de faire quand même le mieux possible déjà, j'espère qu'elles sont bonnes, et pour ne pas être compris par ses pairs, ça a quelque chose de tordu quand même, il me semble. Mais toi, à la tienne. Ah ouais, oui, à la tienne. Voilà. Et la mienne est plus diluée. Sois plus beau de tous les chapiteaux du monde. Dans l'esprit de l'homme et dans chacun de ses rires. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonjour. C'est un truc pour tout, surf, ça s'appelle J'aime le c'est surf. C'est Babar. Baobar. Baobar. Ok, là tu veux te moi, passer ça comme ça m'intrigue, Baobar. Baobar, c'est un lieu. Intellectuel aussi, ça. Hein. Ouais, bah ouais. C'est quoi intellectuel hein. Ça s'appelle intellectuel, c'est une chanson. Et celle-là, elle est... Parce que je joue en groupe, en trio d'habitude. Ah, oui. Donc là, c'est vrai que les versions simplifiées guitare, j'ai pas du tout l'habitude de les jouer à la guitare seule. Alors je vais faire quelque chose d'un peu... Et intellectuel, c'est un okay, peu... Ok, tu restes assis. Oui, bon, on okay. verra peut-être intellectuel. Non, vas-y. C'est juste pour passer les micros. Intellectuel... Ça ne dérange pas que ce que l'on a dit tout à l'heure soit diffusé à un moment donné. De quoi? Tu feras un petit montage. Ok, parfait. Tu fais un montage, ouais. Non, mais ça peut être à l'occasion des fêtes, peut-être. Ah oui. À l'occasion des fêtes. Oui, de Noël. Parlons des agressions. Non. Ok, mais ça ne te dérange pas que tout soit diffusé? Non, ça ne okay, dérange pas. Non. Mais tu n'as pas nommé personne, peut-être? J'ai rien dit de compromettant. Ben, écoute, je vais peut-être censurer ta mère. Ah, ok. D'accord, peut-être. Okay. Ben, veux-tu? Oui, je peux censurer ma mère. Allez, non, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pas pour oui, moi. Oui, non, mais c'est vrai, censure okay, ma mère. Parfait. Très bien. Bon, on garde Victor Hugo, mais on ne dira pas d'où vient la source. Mais tu gardes quand même que c'est pas une affirmation, que j'en suis pas sûre. Tu vois, c'est on m'a dit. Tu viens de le dire. Voilà, donc je dis on m'a dit que. On m'a dit que oui. Tu pourras faire un montage. Parfait. On m'a dit que Victor Hugo faisait des choses bizarres dans les parcs. Ah, avec ses gosses. Je ne dirais pas qui c'est. Je ne dirais pas qui me l'a dit. Okay. Je n'en suis pas sûre. Parfait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il choisit? Eh, vas-y. Bah moi je dirais, enfin intellectuel j'ai pas droit, c'est ça hein. Si, allez, ça va être catastrophique peut-être. Ouais. Non, mais allez, où allez, on y va, on surf, y va. Surf, c'est les vacances bientôt. Non, intellectuel, hein, c'est parti. Ok. Allez. Je suis un intellectuel. J'ai dans la tête quelques tunnels qui m'angoissent. Je ne crois plus aux longs discours, aux cris de joie, aux cris d'amour de ma classe. Se dépasse, un jour viendra, j'en suis certain, je pourrai voir la vie enfin comme une glace. J'ai dans la tête 100 ans d'avance, dans la vallée des dents immenses se déplace. Là on passe en passage disco d'habitude. Alors il y a une Ah bah avec plaisir. Merci. Voilà. Ouais. Merci. C'est là, Facebook, je donne des concerts avec un groupe hein, d'habitude. Voilà. J'ai pas mes lunettes, je vois rien, alors je vais mettre ouais, si, ouais, bah, à la maison, t'en as des lunettes. Ah, oui, t'as la plus. Bien sûr. Merci. Le petit post-it. C'est toi qui écris la parole. Ouais, c'est bon, ouais. Ben, j'aimais bien ce mot intellectuel, je trouve que c'est un mot qui est dans le langage courant. Exactement. Et que j'ai jamais entendu dans une chanson, et je trouvais ça absurde. Parce que la chanson, quand même, chope beaucoup dans le langage courant. Et donc, voilà, j'ai essayé humblement de faire un truc. C'est pour ça que ça m'a plu alors. Parce que je crois que tu as employé un mot qui n'est jamais employé. Voilà. Et puis, en plus, tu as bien fait l'usage de ce mot-là. Je l'ai laissé résonner, on va dire. C'est un mot particulier qui induit c'est beaucoup de choses. Ils sont un peu des intellectuels, hein, aussi, hein. Ils servent de leur tête, voilà. Ouais, un peu, mais c'est exactement un peu beaucoup, hein, d'ailleurs, hein, j'allais dire. C'est un drame des fois. Ça dépend lesquels. Il y a des artistes qui ne le sont pas du tout. Ouais, mais on sait faire le tri le plus. Ah ouais, c'est ça. Enfin, remarque, ça dépend. Ça dépend. Mais bon, mais si à Montmartre, on sait faire le tri. J'en choisis une autre. Alors là, ce sont des reprises. Ouais, qui bon. Toi encore, c'est quoi? Ah, c'est à moi, ça. C'est ma chanson moi, d'amour. Moi, je fais de l'original, je veux pas de reprise. D'accord. Mais je les tords, les reprises. Non, je te les vends pas. Je les... Okay. Non, non, pas de reprise. Si tu veux. Quitte-moi encore. Ah ouais, quitte-moi encore. Sympa, parce que c'est quand même rare d'entendre quitte-moi encore. Quitte-moi. Quitte-moi encore. Quitte-moi encore, c'est vrai que le voilà. Ouais, ben bah non, mais quitte-moi encore, tu vois, c'est souvent non, revient, non, moi, je suis québécois. C'est souvent revient, reste. Ah oui, ouais. Oui. Ne me quitte pas, tu Alain Bachung, c'est revient, va-t'en. Ouais, voilà. 82. Ne me quitte pas, et là, quitte-moi encore. C'est un peu ma chanson... J'ai ma chanson triste, ma chanson un peu la plus sombre, mais, mais bon, si on aime ce sentiment, mais elle est très énergique sur la fin, je vais essayer de rendre tout ça. C'est pour le droit d'aimer encore que je vogue de ville en ville. Je bois dans chaque port des filles trop dociles. Mes amis, vivent une vie pleine d'enfants. Je vis mal la dérive. L'hiver me donne perdant. Quitte-moi encore une fois. Reviens me dire mes torts. Quitte-moi encore une fois. Je suis au bord du bord. Sur un rail à peine solide, rajeunissent les pires remords. J'attends au loin des rides, des réponses pour être fort. Les oiseaux noirs ont fui chez le voisin. Un rien pourrait au soir me glisser sous le train. Quitte-moi encore une fois. Reviens me dire mes torts. Quitte-moi encore une fois. Je suis au bord du bord. Quitte-moi encore une fois. Voilà, je n'ai plus d'âme que du froid qui me traverse. Je voudrais bien plus de flammes. Mes amis vivent loin de tout, loin du vent. Je vis mal la dérive. L'hiver me donne perdant. Quitte-moi encore une fois. Quitte-moi encore une fois. Quitte-moi encore une fois. Quitte-moi encore une fois. Hey! Ça s'en va, ça va tout le monde. Bravo. J'adore ces paroles. Bravo. Vraiment, bravo. Il me les faut parce que j'ai un mail à écrire. C'est incroyable, hein. Mais c'est la magie des artistes, arriver à capter des trucs. Et du vin. Vous écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL-NF, le 89.1 à Québec, avec Reynald Gagné. Alors sur son séant, il s'est vissé, d'une hauteur indevinée, il se plaît, il joue rôdeur visuel. Aux aguets. Alors il devine le monde aussi cruel, à vive allure, des envies d'air l'appellent. Il est au sommet, dénudé, nickel. Des chiens armés de la tête aux reins, il les accueille de projectiles. Terriens. Alors lui il rêve d'Afrique et de paix, d'océan frais, calé bien posé, d'océan furieux, de regard bronzé. Dans ses cheveux gris le temps se prend, dans ses cheveux gris le vent se prend. Il danse quand il pleut, quand il pleut. Des fois la ville envoie des chiens armés de la tête aux reins. Il les accueille de projectiles. Bien connu, je peux vous dire que dans ses yeux il y avait du passage, des larmes de sourire, des larmes de courage. Il a voulu nous aider, il a voulu compter, nous faire pencher fort, nous faire pencher vers l'été. T'as la cuillère aussi. Ah ben oui, tout est tout. Mais toi, qu'est-ce qui t'a amené à hormis tes amis à faire... Ben toi, tu voulais être dans un groupe ou faire cavalier seul et... Ben j'ai fait des groupes, comme tout le monde. Mais on n'arrivait jamais à boucler une chanson. Parce que à écrire à quatre, il faut que ça soit un truc un peu fasciste quand même, à un moment donné. Il faut mettre les points sur les i et les points à la fin de la ligne, à la fin de la phrase. Et donc, voilà, j'en avais marre que ça avance pas, la compo en groupe. Et puis, souvent, j'amenais des chansons terminées. Non, puis là on va faire ci, et puis alors ok, moi j'étais ouvert évidemment aux idées des autres, mais elle se finissait jamais la chanson. Donc oui, je suis parti tout seul à un moment donné, bien sûr. Et en France, on a pas trop la culture de groupe quand même, on est plus à... En solo quand même. Le fait de, contrairement peut-être aux Américains, aux États-Unisiens qui ont beaucoup de maisons, beaucoup de plus de locales, ça incite à glander entre copains et donc la culture de... À Paris, on a moins ça hein, de toute façon. L'espace pour faire la musique en sous-sol, il est très restreint. Quand même. Mais avant, tu faisais, avant de te proposer à consacrer beaucoup d'heures, beaucoup de jours, de semaines, d'années à préparer un album solo, est-ce que tu faisais des interprétations quand tu chantais un peu partout? Non, j'ai très peu fait de reprises, ça m'intéressait pas. Ok, trop. Alors tu avais déjà tes textes? Ouais, tout de suite j'ai aimé faire mes chansons. Quoi. C'est ce qui m'a le plus éclaté. J'en ai 400 à finir là qui sont. C'est qui disait ça qui avait plusieurs chansons dans sa redingote? Un chanteur français qui disait c'est incroyable. Mais avant, oh oui, non, c'est qui prenait des années. Il y a Pierre Perret qui prend des années à finir une chanson. Puis en plus, qui demande à des avocats s'il peut dire ça au lieu de dire ça pour pas se faire. Parce que comme c'est de la musique, il y a souvent un réactionnaire. Ah ouais. Pierre Perret, c'est jamais dans la dentelle, même c'est sournoisement. Il cite des noms, des marques et tout, faut qu'il se renseigne, non? Non. À un moment donné, il a fait sur les femmes voilées, il voulait pas se faire poursuivre. Non, pas des marques, mais surtout quand tu parles de religion, quand tu parles de sexisme, il va se faire taper. Mais c'est ça, il y en a, en tout cas, je me souviens plus lequel, mais il dit j'ai plusieurs chansons en chantier, mais très peu de terminées. Ouais. Et toi, c'est pas encore. Oui, bah, j'en ai plein en route, mais des fois, les chansons démarrées me font peur, parce qu'elles sont... Je sens qu'il y a quelque chose de bien et je me sens tout petit par rapport à elle. Mais tu sais qu'il y a un chanteur québécois qui s'appelle Richard Desjardins qui a fait une chanson avec plusieurs bouts de chanson qu'il avait dans son tiroir et ça fait quelque chose de 4-5 minutes et de concentré. Les Beatles ont fait ça aussi. Oui. On fait des gros collages. Oui. Comme ça. Mais les débuts, très juteux et quand ils voyaient que ça, malheureusement, ça dégénérait ou que ça perdait de saveur, et puis il réenchaînait avec une autre chanson, donc ça fait quelque chose depuis lui, il appelait ça, je crois. En fait, c'est comme lorsqu'on prépare un barbecue, on met plein d'aliments dans du papier d'aluminium, et ça donne comme un méchoui, quelque chose, et lui, c'est à peu près un amalgame de tout ça. Et c'est ce que tu pourrais faire peut-être pour quelques chansons, un genre de méchoui musical. Ouais, comme ça, des gros collages, ouais. Ouais, c'est vrai. J'ai pas pensé. Mais qu'est-ce qui t'a amené à la chanson, à part les amis, l'école Je trouve qu'on arrive à créer une émotion en très très peu de temps avec une chanson. C'est vraiment son pouvoir. Un livre, une pièce de théâtre et tout, faut s'asseoir une heure pour vraiment ressentir le truc dans son entier. Et la chanson a vraiment cette force. Alors, étant tombé, moi, dans cette émotion, j'ai essayé de faire pareil. Et puis bon, me sentant, mon entourage me sentant pas trop mauvais pour l'exercice, je continuais forcément. Mais qu'est-ce qui t'anime à créer? Est-ce que c'est une flamme? Est-ce que c'est quelque chose? Tu veux dire quelque chose? Ou tout simplement, tu veux faire passer un bon moment aux gens qui t'écoutent? As-tu un message? J'ai pas de message, non. Okay. Si ce n'est de partager des choses, un regard, c'est tout, c'est une envie de partager. Est-ce que c'est de la musique, parce que j'en ai écouté trop, est-ce que c'est de la musique humaniste, est-ce que tu verses dans la provoque, est-ce que tu veux amener un peu de poésie dans tes rythmes musicaux? La poésie, oui, faut que ça soit beau sur le papier. Faut que les textes... Mais réaliste ou surréaliste? Il y a un peu de tout. Moi, des fois, je raconte vraiment une histoire très terre-à-terre. À d'autres moments, c'est plus masqué. Et puis, il y a des chansons, oui, absurdes aussi. Et il y a un peu de tout, quoi. J'ai pas envie d'être... le chanteur d'une seule émotion, de toute façon. On lui toujours parler de tu vas avoir plusieurs émotions. Comme tout le monde, dans la même journée, on a le droit d'être joyeux, inquiet, triste et... le ton un peu branleur, nonchalant et tout, c'est un truc que j'aime bien faire. Ébranlé. Ouais. Quoique ça y ressemble un peu, mais faut pas trop s'ébranler. Qu'est-ce qui te fait écrire? Est-ce que c'est la télé? Est-ce que c'est les amis? Est-ce que c'est les événements que tu vis? Est-ce que c'est tout ça en même temps? Ce qui me donne vachement... Je pense qu'il faut entrer aujourd'hui, mon avis, il faut rentrer dans une sorte de résistance quand même. On peut vite se faire bouffer partout et son environnement vraiment direct, très proche. Et il faut vraiment être résistant à ça. On peut jouer dans le conformisme aujourd'hui. Il faut que tout le monde soit pareil, il faut que tout le monde fasse la même musique, il ne faut pas trop déranger. Moi, ouais. Il faut rentrer dans ces cases là. Ouais, enfin, moi je les connais pas trop ces cases. Il y a des trucs. Ouais, enfin, The Voice, tu vois, j'ai jamais regardé une seule fois 5 minutes. Ce que j'en entends parler, ce qu'on m'en raconte, me donne pas envie de. Alors on me dit, mais tu devrais aller. Non, j'ai pas envie, j'ai vu des conneries équivalentes, des années faites par les mêmes, sous d'autres chaînes et tout, donc non. Non, voilà, je préfère me protéger de ça. Et comment tu fais pour te protéger? Tu restes dans ton monde? Non, mais mon monde, je suis complètement perméable, moi. Le monde est... déjà, de parler avec ta voisine, c'est déjà être dans le monde. Beaucoup plus que regarder la télé. Et es-tu du genre à créer constamment? Ou tu proposes des moments précis où tu emmagasines pendant plusieurs mois, plusieurs jours? Pour enfin te libérer par l'écriture? Non, je retiens pas. Quand ça vient, ça vient. Mais des fois, il y a des périodes plus fulgurantes, évidemment. Ouais. Il y a des fois où ça va très vite, où il faut aller vite. Et je remplis beaucoup plus de feuillets. Ouais, mais ça, on ne sait pas quand ça arrive. Adolescent, étais-tu du genre à écrire un journal de bord? Non. Ou ce que tu ressentais? Non, non. C'est venu plus tard quand tu t'es décidé à faire de la musique? Ouais, je pense. Ouais. Ou quelquefois quand tu as des flashs, tu les écris, mais c'est dans tes poches. Tu retrouves ça quelques jours après. Mais qu'est-ce que j'ai voulu dire? À quelles conditions est-ce? Tu vois, avec le téléphone, ah, oui, tu as le dictaphone. Oui. Ah, ouais. J'ai le dictaphone. Okay. De trucs, tu vois, je ne l'ai toujours pas vidé. Ça fait peut-être 3 mois. Je sais pas, j'en suis à... J'ai pas fait gaffe. 84. Quoi, c'est des bouts de mais mort, sans, c'est des... sans compter les papiers, les trucs ailleurs, ça c'est quand je suis dehors. Ok. Voilà. Bon. Autant audio que au niveau papier, de narratif. Non. Le papier cybernétique aujourd'hui. On peut pas toucher le papier. Là. C'est rendu comme ça, on peut plus toucher. Il faut lire, il faut... nos enfants qu'on a, vont plus jamais connaître les journaux, la senteur de l'encre. Et surtout, ce que ça donne aux doigts, le côté sale, noirant. Oh, je crois qu'on n'est pas encore débarrassé du papier totalement, il me semble pas. Et quand même là, ouais. Quand je vois les gens qui aiment la BD quand même, tout ça, ils aiment ce contact. Et... Es-tu un amateur de BD? Oui, un peu, quoi. Et qu'est-ce que... Toi aussi? Non. Non? Non, parce que j'ai jamais su s'il fallait regarder l'image ou lire les bulles. Et si la bulle du haut a privilège sur la bulle du bas, ou j'ai... moi, le décorant... Ah ben, faudrait t'expliquer ça, faudrait quelqu'un t'expliquer. On m'a déjà expliqué, mais je vois aucune attirance par la bande dessinée. Non, tu lis pas jamais de BD, alors? Non, jamais. J'ai jamais loué de BD à la bibliothèque. Ah, là, là. Je suis plutôt littéraire. Mais littéraire, j'aime bien les... Et la graphique novel, tout ça, l'intermédiaire. Non, pas du tout. Je trouve que les mots m'amènent ça, moi. Les mangas, en les lisant à l'envers, ça te cause pas plus? Non, c'est les mots qui m'amènent l'imaginaire, moi. J'ai pas besoin de voir pour me créer un imaginaire. Tu regardes des films? Ah oui, j'ai une formation en cinéma. Les grands silences. Non, ça, c'est l'heure de l'interprétation. Non, j'écris ça, bon, j'écris non, toujours ça. C'est l'heure de l'interprétation. Enfin, je suis rarement bourré. Bon, je suis toujours un peu guiré, mais. Guiré naturellement. Oui, voilà, ouais. Non, c'est vrai, j'ai adoré ces paroles. Quitte-moi encore une fois, j'adore ça. Mais tu as le lien, tu peux acheter son album. Ah oui, c'est vrai. Non, je vois rien. Sans streaming. Sans streaming gratuit. Si tu veux faire plaisir, tu likes la page et comme ça, tu es au courant de toutes les... Où on fait copain et tu es au courant de toutes les dates parce que je joue toutes les 3 semaines à Paris. Je crois que t'as un nouvel indie Facebook. Lui, il m'a pas liké, Rénal, tu vois, encore. C'est toi, je suis interdit. Oui, ben oui. C'est une fan finie. On appelle ça une fan finie. C'est ce que ça veut dire, une fan finie? Je sais pas ce que c'est. Non, mais je comprends pas l'anglais. OK, ça veut dire que quelqu'un est déjà conquise. Ah oui, alors, une fan finie, ça veut dire que c'est terminé, on peut pas rien faire. Elle va quand même s'accrocher. Une fan finie. Ah oui. C'est beau, hein? Mais non, je sais, mais sa jupe, elle est pas finie, à la dame. C'est beau. Voilà, comme quoi j'avais raison. Que? Elle a 10 ans de moins que moi et... Oh, ça, j'ai pas vu de face. Ouais, mais ça, 10 ans, c'est juste toi qui sais ton âge. Non, mais je disais que... C'est vrai. Ouais, non, mais je disais que je trouvais que les jeunes filles, elles s'habillaient de façon plus déshabillée que les filles de ma génération. Pas d'accord. Et plus elles sont jeunes et plus elles se déshabillent. Tu verras à 13 ans, c'est le nombril, fois, ouais, c'est de plus et en puis plus. Après, ça, et, ah, plus, ouais. Et plus ça grandit. Non, mais c'est vrai. Mais tu sais, il faut faire confiance aux hommes, hein. On n'est pas du pain. On sait très bien, tu vois, les filles les plus intéressantes, c'est le vécu. Bah bien sûr, c'est le vécu, bien sûr. Enfin, en tout cas. C'est l'expérience. Hein. C'est l'expérience. Mais tu sais, tout est en rapport. Ça s'appelle une bijection. Non, mais c'est ce que les cougars se disent aussi. Tout à fait. Les femmes cougars se disent. Mais elles ont l'expérience. Bah ouais, exactement. C'est pour ça qu'elles veulent des jeunes pour les initier. Hein. Mais bien sûr. Bah oui. On peut pas vouloir une femme de vouloir un homme jeune et on peut pas vouloir. À un homme de vouloir une femme plus jeune. Ouais, ouais. C'est vrai. Et par contre, on est tout à fait ravis quand ça match dans la génération, tu vois. Ben, l'amour n'a pas d'âge. Moi, je crois que l'amour, au contraire, a un âge. Ah ouais. Oui, et parce que l'amour, il l'amour, est, un l'amour, âge, est l'amour. Bien, à un moment donné, et que plus tu es vieux, et plus il a de consistance, en réalité. Ah. Parce que plus, là, tu vois de quoi plus tu parles. Être platonique c'est aussi. C'est de la vie derrière toi. C'est la générosité, l'amour et la générosité, exactement. C'est très et lié respect, quand même. Etc., blablabla. Puis l'amour, il est, tu il sais, est pour ça, tout ça le monde. Ça prend du temps d'être un homme. Homme avec un H. Tu seras un homme, mon fils. Non, mais tu as compris. Non, c'est bon. Mais oui, c'est vrai. Moi, je dis, je suis moins peiné de voir un nourrisson bon, qui a été massacré. Bon. Bon, enfin, ça dépend comment il a été massacré, tu vois. Après, il y a l'autre côté. Et bon. En même temps, c'est un petit être humain qui n'a pas eu le temps de vivre, tu vois. C'est pas comme un mec qui a fait 70 ans, tu vois. Je veux dire, qui a toute une vie derrière lui, tu vois. Qui a construit, tu vois. Ça prend du temps, hein. On passe tous par là, hein. On passe par l'adolescence, blablabla, tu vois. Tu vois les étapes de la vie, hein, on le sait, hein. Mais c'est pas fini, j'espère. Alors, je suis très content d'avoir le livre. Une autre ? Oui. Elle est jamais 203. Ah, oh, c'est bien comme dicton, je l'adore. Chez mes voisines, tes baisers me font mal, ça s'appelle. Notre clan qui te prend encore violi. Il est au sommet. Un truc pour tout, j'aime le surf, va au bout. Moi, j'aime bien le mot truc, alors j'aime bien truc. Un truc pour tout ? On va laisser aller, c'est pas grave. Non, il veut dire que c'est dommage qu'un nourrisson, il meurt, il n'a pas construit, il a... Oui. Bon, c'est un peu étrange qu'il... Oui, c'est comparaison. Mais bon, un homme qui a vécu qui, ouais. Et qui a construit, finalement. Et la bière est dans le... Et le truc, et que le truc s'arrête comme ça, qu'il a, il commence à savoir donner, finalement, à savoir vivre. C'est peut-être un plus gros gâchis, quoi. Ouais, voilà. Bon. Peut-être ça. Bon. C'était maladroit, mais je pense qu'il était sincère. Il ne voulait rien dire de. Il reviendra, ne t'en fais pas, il le Un truc pour tout. Un jour, il y aura un truc pour tout. Et tu n'auras plus rien. même mes claques ne te réveilleront pas. Mon sosie s'oppose à faire l'anguille, à faire chameau, chamelle, machin, machine, à faire bosser le boss, bosser le boss. Ouh, à vous. Ouh, un jour il y aura un truc pour tout et tu n'auras plus rien. Les oiseaux, les enfants qui jouent t'ennuieront. J'ai le vin qui glisse, ton venin qui passe. Mon sosie s'oppose à faire avec, à faire l'anguille, la fille, le beau, le beau. À faire bosser le boss, bosser le boss. À vous. Va buller dans ta bulle, va brûler dans ta bulle. Non, non, oh, va brûler dans ta bulle, va brûler dans ta bulle. Non, oh non, oh non, oh. Mon chef à moi aussi n'aime pas son chef. Là, je monte sur la chaise en concert. Le boss, bosser le boss. Va brûler dans ta bulle, va brûler dans ta bulle. Non, non, va brûler dans ta bulle, va brûler dans ta bulle. Oh non, oh non, oh non. Mon chef à moi aussi n'aime pas son chef. Je m'adore. Mon chef à moi aussi n'aime pas son chef. C'est la hiérarchie, ça. Elle est magnifique, c'est la hiérarchie, exactement. C'est tout à fait marrant. Hey, tu disais que tu reprenais des chansons de Gainsbourg? Ouais, j'en prends une en concert. Ouais. À ma sauce. Oui, moi aussi. T'aimes la sauce? Oui, j'aime la sauce. Mmh. C'est piquant. Ça me pique la curiosité. Moi aussi. Moi, sauce piquante? La sauce piquante, alors? Oui, c'est toujours, toujours. Ou de la sauce à poutine, mais personne ne connaît ça. La sauce comment? À poutine. C'est la poutine. À poutine. C'est la poutine. Bah oui, on va c'est quoi? Pourquoi c'est les frites avec oui. La mayonnaise. Non, non, non. Non, non, non. C'est patates. C'est des patates. Patates frites. Ah ouais, c'est... Ok, des patates. C'est des frites. Oui, des frites. Du fromage. Oui. Mais du fromage... Voilà, c'est du fromage, pas de la mayonnaise, pardon. Non, c'est ça. Mais en tout cas, tu peux mettre de la mayonnaise dans les soirs peut-être délirantes. Délirante. Et après ça, tu mets de la sauce brune. Oui, voilà, c'est Et ça. C'est quoi la sauce brune? C'est de la sauce au bœuf, mais crémeuse. de sauce de viande, en fait. C'est la sauce de viande. Ça doit être très bon, mais très... C'est très bourratif. C'est genre, c'est du viandox, c'est du gel de viandox, quoi. Ben, en tout cas, c'est un mec de 23 heures après... C'est un bœuf élevé dans la crème fraîche, ouais. Déjà, tu c'est vois. C'est ça, ouais. Lui, il voit pas l'extérieur, il est dans un bain. Il va commencer à fabriquer ce truc-là, parce il voit sa sauce, il voit sa sauce. Un petit Gainsbourg. Allez, un petit Gainsbourg. C'est délicat de dire un truc, alors c'est sérieux, là. Là, c'est du grand oui, oui, oui. Vous avez reconnu? Moi, je suis la Javanaise. T'as déjà reconnu, toi? La Javanaise, pas vrai. Écoute-moi, toi qui te crois seul au monde, tout seul abandonné. Faut trois fois rien pour entrer dans la ronde de tous les mal-aimés. Ta porte et tu verras rappliquer les copains tous tes soucis que le diable les emporte jusqu'à demain. Ta petite amie t'a largué et en route, les filles c'est pas sérieux, l'amour est aveugle à ça aucun doute. Et oui, ça crève les yeux. Suspends un violon, un jambon à ta porte. Et tu verras rappliquer les copains. Tous tes soucis que le diable les emporte jusqu'à demain. Qu'importe si c'est chaque fois la même chose, mon vieux t'en fais donc pas. Quand on n'a pas vraiment ce que l'on aime, faut aimer ce que l'on a. Oh. Troisième refrain, un peu plus bourré. Suspends un violon, un jambon à ta porte, et tu verras rappliquer les copains. Tous tes soucis que le diable les en jusqu'à demain. Les copains, tous tes soucis que le diable les emporte jusqu'à demain. Suspends un violon, un jambon à ta porte et tu verras appliquer les copains. Tous tes soucis que le diable les emporte jusqu'à demain. Renate Gainsbourg, quand même, c'est pas mal. C'est très bien. T'as vu, hein, avec une nouvelle chanson de Gainsbourg que je ne connaissais pas. Il y a des gens qui me disent, ça allait bien ta chanson, là. Ah oui, ah oui, mais c'est tout vieux, ça, là. C'est, c'est 60. On appelle la période noir et blanc. C'est tout le départ, quoi. Oui, c'est sur l'album... Tu connaissais, toi? Deuxième. Pas bien. Et comment tu, mais toi, je sais que tu connaissais parce que tu l'as chanté. Comment tu l'appelles, donc, sur l'album Deuxième album. Ouais, ça doit être le deuxième album, l'équivalent. Mais ils sortaient des EP pas mal aussi à l'époque. C'est pas instinctif. Donc... Vous n'auriez pas du feu? Moi, non. Non fumeur, tout le monde. Non fumeur, c'est mais vrai. Tu vois, j'ai transformé le refrain. Oui, c'est bien. C'est là, tu l'as accaparé. Mais sur scène, c'est mieux parce que tout le monde s'arrête. Ah oui, bah oui, mais là, on était là quand même. C'était très bien, très bien. Et donc, c'est le deuxième album, alors celui-là. Formidable. Ouais, deuxième album de... Gainsbourg. Ouais, ça doit dater de cette chanson peut-être de 63-64. Ouais, je suis impressionné par votre connaissance de la chanson française. Oh non, je veux dire, elle est limitée. Hein. Ah, lui, il a une bonne culture francophone. Meilleur que moi. Non, pas vraiment. Non. Bon, d'accord. Non. Je ne voudrais pas te vexer. Hein. Non, tu ne me vexes pas. Enfin, regarde, c'est cette manière. Alors, tu fais laquelle? Bon, je sais pas, moi, comme vous voulez. Ben, hein. Elle veut avoir peut-être ses voisins. Ah bah oui, parce que j'ai entendu, tu vois, c'est celle que je connais. Et quel effet ça t'a fait alors? Bon, chez voisine. Ouais. Ça t'a plu? Ouais, ça m'a plu chez voisine. N'est-ce pas? Oui, elle m'a envoyé un courriel pendant qu'elle écoutait. Puis, mais moi, je croyais qu'elle était c'est avec cette voisine. Envoyé un pigeon. Ah ouais, c'est ça. Tu as fait un live. Oui. T'as cru qu'elle a fait un live? Ah ouais, ça j'entends. Non, j'ai dansé du dance. Ah ouais, à ce moment-là. Ça, c'est le reggae du début des années 80, ouais, voilà, le dancehall et tout. Ah ben attends, ouais. Moi j'adore ça. Ouais. La pluie me gêne, l'ennui m'amène chez mes voisines. La soupe est bonne, mes potes s'étonnent de mes voisines. Chez mes voisines, y a des gens bien, des gens qui vaccinent. De mes voisines, je dis du bien, je suis. Celui qui t'écrase, ouais. Ouais, plutôt le cinéma scorsésien ou wallonien, Woody Allen, et bien d'autres, là, Cronenberg. Ouais, le truc qui te fait réfléchir les jours qui suivent, quoi. oui et non. Il est brutal le cinéma, souvent les montages, c'est vrai que c'est extrêmement brutal. Bah, en fait, c'est du préfabriqué, hein. Comme certaines chansons. On peut en studio faire 3-4 rythmes, 2-3 phrases, le tube qui passera à énergie. Quoi. Ouais, avec une bonne boucle. 2-3 chanteurs qui gueulent en arrière. Puis, c'est ça. Et puis c'est parti, là, t'as déjà 30 secondes. Oui, oui, voilà. Et ça prend juste 30 secondes pour accaparer l'esprit de quelqu'un, parce que c'est terminé, on oublie. On s'en va manger un burger et tout est assimilé. Mais toi, qu'est-ce que... Mais j'ai pas envie de faire de la musique sympa, tu vois. Sympa, déjà, c'est un mot affreux. Mais déjà, mais quand faire on regarde... De la musique sympa. Oui, mais quand on regarde ta pochette, tu tires déjà la langue. Ah bah, tu vois. C'est quoi? C'est ton côté anarchiste? C'est ton côté aller vous faire voir? Non, c'est un pur hasard. On joue avec les post-it à la séance photo et puis voilà, j'ai collé sur la langue. Voilà. Non, mais c'est un côté, en plus, je suis torse nu, donc il y a un côté un peu le premier album, le vert, quoi, qui vient d'arriver. Donc, ouais, je sais pas, tirer la langue. Après, on est... Alors, c'est innocent d'avoir... tu l'as choisi comme ça par hasard. C'est pas quelque chose non, alors, c'était pas calculé du tout. Et puis, ça va pas avec l'album. Ça va pas? Tout ça n'a pas un lien avec l'album. Ah non, rien. Le lien, c'est moi. Oui, c'est déjà pas mal. Okay. Mais si on regarde la pochette, puis on voit le type qui tire la langue, tu dis peut-être que les chansons sont un peu plus corrosées, sont un peu plus graphiques davantage. Et alors comme toi? Comme ça pleurait. Ben, moi, j'en ai écouté 3-4. Et ça te semble à la photo à colle, à ce que tu entends ou pas? Ben, en fait, oui, parce que c'est un petit clin d'œil à chaque fois. On sent le clin d'œil à chaque fois. Sur chaque chanson, mm-hmm. le petit côté, on vous a piqué, hein, on vous a eu. C'est ça, tu sais, le sans être, parce qu'anarchiste, il y en a de moins en moins, mais peut-être quelqu'un qui graphique davantage sur les anecdotes, sur les mots. Mm-hmm. Oui, je suis content, des fois j'utilise des morceaux qui sont rarement utilisés dans les chansons. Voilà, bon. C'est un bon défi intéressant. Il y a un titre que je vais faire là dans les trucs qui sortent à l'automne. Là. Parce que là tu prépares une suite à ton premier oui, album. Oui, oui, oui, là j'ai d'autres morceaux. Et, avec ton groupe, le trio? On fait ça. Ouais, on réfléchit à. On les joue sur scène déjà. Mais le trio, les deux autres musiciens ont d'autres groupes? Ouais, ils jouent aussi un peu ailleurs. Ouais. Alors c'est plus difficile de les regrouper. Bah là j'ai refusé deux dates, là début juillet sur Paris, des dates payées en plus parce que j'arrive pas, mes deux batteurs sont pas dispo. Mais tu peux pas faire ce solo? Non, parce que c'est quand même des lieux où ils veulent un peu que ça envoie, donc moi tout seul à la guitare. Ça va pas coller avec l'esprit du lieu. Mais tu peux pas travailler avec deux batteurs de... Bah les deux sont pas là. Oh, mais là alors on, jusque là on arrive avec deux batteurs, moi j'arrive, mais là bah non. Voilà. Mais c'est pas grave, ça c'est remis pour septembre. Ok, à la même place. Voilà. Ok. Mais c'est que partie remise, tu vas aller voir comment ça fonctionne, peut-être toi-même dans solo tout seul, voir comme la place, le son, l'ambiance. Oui, et oui. Et là tu vas dire à tes copains, oh, c'est comme ça. Maintenant, je vais voir systématiquement les lieux dans lesquels je joue, parce qu'avant, j'y allais pas, je découvrais ça sur le moment. Ok. Et t'étais déçu? Ah bah, carrément. Quand t'as un pied de micro qui tient à peine, et même que tu le poses, t'essaies de le poser, il est tellement crade qu'à chaque fois que tu le touches, il faut aller te relaver les mains. Voilà, il y a... Ouais, il y a les moyens sont très, très restreints. Non, mais il y en a, ils se foutent du monde, c'est clair. Pas tous, hein, faut pas... Mais ils veulent de la musique live, ils veulent les gens qui me suivent, et puis ils ont un système de son tout pourri. J'apprends après qu'ils ont un limiteur. Alors nous on trafique le son, on était là, mais j'entends pas, on n'a pas de... C'est pas comme de dans les festivals, hein. Tu sais que pour le premier groupe, le son est toujours moins fort pour laisser la place au groupe principal. Ouais, qui des fois lui est trop fort, mais il faut que ça déchire même les oreilles. Hein? Mm. Puis aujourd'hui, tu prépares un nouvel album, tu fais quelque chose de nouveau. Est-ce que tu te surprends toi-même ou si tu vas dans la continuité du premier? Écoute, non, j'ai des trucs. C'est différent des 5 titres en ligne là. C'est différent, il y a moins le côté peut-être dansant, un peu néo-disco, un peu des fois groovy. il y a plus, il va y avoir davantage d'instruments acoustiques. Et surtout, ça va être, l'ossature sera jouée live en studio, mais vraiment jouée live. Ça sera pas de la programmation comme on peut l'entendre là, où il y a beaucoup de gens qui viennent jouer, mais les rythmiques sont programmées. Donc là, on va vraiment avoir le nerf sera vraiment humain. Mais est-ce que sur scène, le premier album va pouvoir se coller à ce que tu fais? Carrément, oui, carrément. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que je fais des morceaux super fun, légers. Il y en a d'autres où c'est plus une histoire et le morceau est beaucoup plus calme. Donc finalement, il y a plein d'atmosphères différentes dans le concert. J'essaie toujours de regrouper par trois les titres. Donc, donc de regrouper par trois les morceaux qui m'ont un peu... Pourquoi ? Pour camper une ambiance de 15 minutes, quoi, okay. À peu près à chaque fois, qui est cohérente. Et puis on glisse comme ça. Mais bon, tous font ça. Et voilà, donc ça permet de faire vraiment un voyage sur scène. Et ça fait combien d'années que tu as décidé de travailler plus la musique, de te consacrer à la musique ? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça fait une bonne dizaine d'années. En fait, j'ai été signé plusieurs fois et ça ne s'est jamais fait. Comment ça ? Par des producteurs indépendants. Bon, alors je parle d'il y a même un peu plus de 10 ans, qui tout ce qu'ils faisaient, ils sortaient en licence chez des... Ils avaient des accords, maintenant ça n'existe plus, genre de truc avec les majors pour sortir automatiquement en franchise sur des majors, ce qu'ils faisaient et tout ça. Et ça s'est jamais fait. Mais alors du coup, comme ça allait se faire, moi, en plus adorant écrire, faire de la musique un peu tous les jours, j'ai toujours laissé énormément de place pour la musique. Et c'est pour ça que je ne suis jamais parti dans un boulot à temps complet. Et alors ça ne se faisait pas. Je me disais, bah, c'est pour le coup d'après, continue. Tu vois ? Et donc du coup, j'ai jamais pu laisser tomber puisque j'ai toujours l'impression que ça a décollé. Mais ton premier album a pris combien d'années ? Les 5 chansons ? Oh, c'est des chansons, ça. C'est une sélection de chansons. C'est pas toutes mes chansons. C'est une sélection. Elles ont été prises un peu comme ça. On s'est dit, on va prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Ça aurait pu être d'autres. Mais pourquoi simplement 5 ? Bah, on devait faire un album, mais le truc a foiré avec le mec avec qui je le réalisais. Okay. Ça s'est barré en eau de boudin. Mais toi, tu n'avais rien de préparé. Alors moi, j'avais des démos. Okay. Voilà, et je suis allé avec ce gars-là. On a vraiment étoffé les choses. Lui, les arrangements, fait venir des musiciens, lui, de son côté, moi, du mien. On s'est dit, on va mettre vraiment ça en boîte. Parce que lui, il a évidemment le lieu, etc. pour mixer. Moi, chez moi, dans mon salon, je ne peux pas faire un travail aussi propre. Maison. Non, même pas. C'est même pas un home studio. Enfin, j'ai de quoi travailler correctement à la maison. Okay. Pour faire des démos, voilà. Mais pas pousser le truc bien long. Et donc, le truc a été avorté en route. Alors, il y avait 5 morceaux qui sont quasiment finis. Ce qu'il y a... On aurait pu retravailler, refaire certaines choses, affiner le mixage. Enfin bref. Et donc, j'ai décidé quand même, afin de trouver des concerts et de passer au live, de mettre ça... Une sorte de carte de visite. Voilà, parce que c'est ce qu'il y a de... C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais c'est ce qu'il y a de plus pro. Et donc, voilà, j'ai décidé de prendre le parti de montrer ce truc pro qui colle pas trop à ce que je fais sur scène, dont je suis pas totalement satisfait, mais au moins, c'est agréable à écouter, à l'oreille pour tout le monde. Et voilà. Mais là, le prochain album... Tu me dis qu'il sera beaucoup plus moins synthétique qu'au niveau de la musicalité. Les musiciens vont jouer davantage en direct, ensemble et tout, en spectacle. Ouais. Tu veux recréer comme ouais, c'est ça. Tu veux vraiment recréer un concert à travers un album studio, un peu comme Philippe Catherine a fait dans son album studio qui s'appelle Studio. Ah oui. C'est-à-dire oui. Qu'avec les mêmes musiciens, reprendre un album qu'il a fait mais qu'il trouvait un peu moins réussi. Et ils étaient partis en tournée et ils sont revenus en studio pour faire un album qui s'appelle Studio et qui rejoue les mêmes chansons, mais bien beaucoup plus rock. Oui, c'est ça. Ouais. L'album est très réussi avec Gonzalez à la réalisation. Il est vachement bien et c'est vrai que sur scène, c'est joué c'est pas la même texture de son, c'est des guitares, moins de synthé, ouais. etc. Une vraie basse, pas des basses synthé. Et les deux sont bien, les deux existent et les deux sont bien. Ils se sont fait plaisir s'ils avaient sorti ça avec le DVD. Bon, c'était surtout le DVD qui intéressait les gens, c'était un petit bonus ce CD. Oui, c'est sympathique ça. Mesdames et messieurs, approchez, approchez. De Percé à Plattsburgh en passant par Oka. Venez faire un tour dans la grande dame. Approchez, approchez, approchez tout le monde. Vous venez voir les vrais moutons. Puis le grand tronc. Puis la femme bonbon. Puis l'église pas de fond. Venez approcher, approcher, approcher. Venez faire un tour dans la grande dame. Venez voir les pingues à linge qui déshabillent. Puis le bœuf oxosexuel. Venez toucher la femme. Puis rencontrer le vrai pète dans le trèfle. Approchez, approchez. Venez faire un tour dans la grande dame. Venez faire un tour. C'est gratis. Pour fêter plus haut que le trou. Venez voir l'homme à deux faces. Vous verrez aussi le laitier bouteille, la corneille, slingshot. De Percé à Plattsburgh. En passant par au corps. Venez faire un tour dans la lumière, à l'intérieur de vous. Dans les belles fibres du navet, puis dans la beauté des genoux. Approchez, approchez, venez faire un tour. Cirque de l'éternité. C'est bien, c'est... Ah, c'est bon, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est original, ça, ou... Ah ouais. Là, la chanson, là, c'est... Ah bah ouais, moi, j'adore. Non. J'ai une génération bête, ça. L'ennui me gêne, la pluie m'amène chez mes voisines. La soupe est bonne, mes potes s'étonnent de mes voisines. Chez mes voisines, y a des gens bien, des gens qui vaccinent. De mes voisines, je dis du bien, je suis les consignes. Oh! La nuit débarque, le jour me marque de ses épines. Je perds du sang sans la pectine. Chez mes voisines, il y aura peut-être les sœurs trampolines. Dans la piscine, j'ai vu le big, le banglorigine. Le temps s'étire comme un soupir. Le déluge a pris sa route, ici pas laissé des gouttes. Le soleil se lève au nord, mes voisines réveillent les morts. Dans la nuit, des fois, des voix se perdent, des cris se trouvent enfin. Oh, certaines nuits, les démons vont, les démons viennent, mes voisines. Mes voisines tiennent. Chez mes voisines, j'ai fait peau neuve au fond de mes ruines. Dans la piscine, il fallait bien noyer mes épines. J'ai fait sitting, j'ai fait le saut qu'il faut. Bravo. J'adore ces histoires de piscine avec les épines. Moi, j'aime bien les gens bien qui vaccinent. Qui vaccinent. Les sœurs trampolines. Les sœurs trampolines, d'ailleurs, elles? Les sœurs trampolines, ça m'intéresse. Moi, je les connais. Ouh. Ah, t'as fait un film, carrément. Non, non, mais c'est en fait, c'est des photographes. C'est stop motion, ouais. Ah, bien, bien. Ah, c'est trop, c'est cool. Tu m'enverras la série? Ah, oui, ben oui, ben oui. Ah, c'est trop. J'en drôle. Ai à peu près 300, là. C'est bon, ouais. Ah ouais, c'est génial. Je te remercie, je les ai dans ma mémoire déjà, moi. T'as une mémoire de combien, toi? Moi, j'ai une mémoire de 390 milliards de gigas. C'est les cours que tu prends, mais plus rythmés. Il t'en reste? Ok. Quasiment pas. Pourquoi t'en veux un peu? Bah ouais, mais c'est trop tard. Comment? Mais il en reste un petit peu, quoi. Je m'adapte. Regarde, il reste... Il y a un côté Nirvana dans sa chanson. Ah ouais? Oui, oui, oui. Ça, on peut rapidement la jouer comme ça. Ça m'a fait penser à Nirvana. Non, c'est pas voulu, mais moi je peux. Je la joue plus droite. Ouais. Ok. Mais à la base, c'est tout doudou doudou doudou doudou doudou doudou doudou doudou doudou doudou. Ah ouais, il a maté là. Qui ça? C'est le même que tantôt là. Ah, il repasse là. Ah ouais, ouais, bah ouais. Mais là, il était pourquoi il était pas là quand je fais ma vidéo? Je t'ai fait un signe, mais il était. Il voudrait prendre sa douche pas tout seul. C'est ça, ouais, ouais. Emmène-moi au pays des merveilles. Il a besoin d'une douche, mais ça. Pas tout seul. C'est ça. Une nettoyeuse de dos. Fais-moi le dos. C'est ça. Dos et la fond. Bah, dos, il suffit de décrocher le téléphone. Hein. C'est ça. Bon, bah, si vous voulez, on arrête. Si vous voulez, on continue. On continue. C'est vous les. Oh, la dernière, une dernière. Une dernière pour la route. Ok, une dernière. Oui. Ouais, je suis d'accord. Non, la fin. Oui. Notre clan, c'est la. C'est celle que c'est là que j'ai fait notre okay, clan. Ok, vas-y, vas-y. Notre clan là. Oui. Chanson post-apocalyptique, c'est un peu la fin du monde. La plupart des êtres vivants ont disparu. C'est un peu ce qui est en train d'arriver. Les poireaux n'existent plus. Ah. Bah, d'ailleurs, les poireaux n'existent plus. Hein, c'est vrai, mais. Non. Oh, elle se mettait à pleurer là. Oh, c'est normal. Les poireaux n'existent plus. Et pour une femme, quand les poireaux n'existent plus, c'est la. Bah écoute, je la compose demain. Peut-être. Hein, je suis pas très inspiré par ce que je viens de dire, mais. Je t'enverrai le truc à savoir venir. Je t'enverrai le. Alors, avant en fait, que tu commences, tu m'as dit que tu restais un peu d'alcool. Il oh, reste oui. un fond de vin, ouais. Eh ben écoute, tu sais, en tant qu'alcoolique, j'ai vraiment des. T'es alcoolique? Non mais ouais, mais j'ai mon assurance. Mon assurance, c'est ça? Ah oui? C'est pas ton assurance. C'est ça? Mais comment ça, c'est ton assurance? Eh ben écoute, on va faire un concours, celui qui boit le plus, qui reste debout avec ça. Ah oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que tu vois si t'es vraiment bourré ou pas. Exactement. D'accord. C'est pour ça que, bon, par contre, je viens de me rendre compte que finalement, je suis alcoolique. À l'instant, tu viens de t'en rendre compte. Je vais consulter. Non, t'aimes la convivialité. Ouais, c'est vrai. Mais, et l'alcool, ça va ensemble, mais ça c'est va, pas ouais. Pour ça qu'on est alcoolique. Hein. Oui, mais quand même, tu peux aimer la convivialité aussi sans alcool. C'est possible. Oui, mais quand même... Elle en est la preuve, mademoiselle. C'est vrai, ouais, mais elle a des ressources d'une vie antérieure, je sais pas. Ah, bon. Non, mais tu vois que c'est possible. Mais non, c'est le dancehall, tu vois. C'était pas grand chose, mais c'était ah pas oui, mal. C'est ça, elle est dedans. Ouais. Elle est dedans. C'est ça. Tu peux la balancer? Ah oh, non. Non, regarde, souvenir. Sur qui? Bah, c'est ça. Ah non, on fait des pas. Moi, j'aime bien si on fait des pas comme ça, là. Où tu fais du dancehall et tout. Oui. T'as les pas, tu fais des... Ça tourne de Jacques Fever. C'est bon. Tu veux un refaire ensemble? Tu veux? Ça te dit ou pas? Ah, c'est bon. Ah oui. Ah, c'est bon. C'est une fille de propreté. Vas-y. T'es sûr? Oh oui, la dernière. Pour la ah ouais, mais là, ça commence à devenir indécent. Ça, c'est à Nice. On fait ça à Nice, pas ailleurs. Tu revois la même que l'autre jour, t'es sûr? Oui, oui, oui. Ben, c'est comme tu veux. Ah non, mais moi, je m'en moque. Hein. C'est comme tu veux, moi, je t'attends. Regarde, elle a commencé à choisir, elle va terminer. Pidgey? Ah, c'est Pidgey. C'est Pidgey, Non, ça a aucun rapport. C'est le nom d'un fantôme qui s'appelle comme ça. Ah, c'est vrai? Ouais. rêve trop court, j'ai cru toucher l'amour. DJ le fantôme était bien là, il me regardait avec ses grands yeux noirs. Dans un rêve trop fort, j'ai cru quitter le port. J'ai vu mes amis, oh amis, une devenir fourmi. Il reviendra pour voir mon cœur de peine, cœur qui saigne. S'il soigne mes peines, je n'aurai plus de cauchemar. C'était vraiment que des conneries, elle était très jalouse de toi. Pity, pity, reviens cette nuit. Tu sais maintenant qu'elle est partie, y'a plus personne qui crie. Promis juré, t'es mon ami, promis juré, t'es mon ami, ami. Oh! Je connais pas sa musique du tout. Ouais, je connais pas du tout. Qu'est-ce qu'il chantait déjà, Nuda? Ben, son plus grand succès, c'était Mi Amor. Après ça, il a fait Tous les enfants de Marianne Ball. Ah, je m'en souviens. Puis Mes aveux. Ah, il est plombé, lui? Non. Il n'est pas plombé? Ah, non, pas non. Plombé, il fait souvent des spectacles ici, au Saint-Jean. Ah, ouais? Ah, non. Ah, ouais. C'est volontairement que c'est... Il est même parti sur le Tour de France avec sa caravane et tout, hein, à l'ancienne. Ah non. Il l'a fait en Londres, je te jure. Ah oui, si, il avait une roulotte et tout à une époque. Il avait une roulotte et tout à une époque, bien sûr. Ah. Ouais, oui. Après son succès d'ailleurs. Ok. Ah. Quand il a pris plein de Madrid tubes. Aussi, Madrid. Oui, c'est vrai. C'est... On a eu des années 80. Oui, je connais pas du tout. En fait, je pensais en connaître au moins une bien, mais... Non, mais Madrid, tu la connais très bien parce que je la chante mal. Non, bah oui, je te dis, j'adore cette phrase. Tu la connais très bien parce que je la chante mal. C'est vrai. Non, mais je la connais pas. Mais je l'ai écouté, mais à mon avis, non, mais pourtant, il y a des origines espagnoles, non Ah ben c'est un espagnol, non ouais, c'est Madrid, non, c'est en français, Madrid. C'est en français. Oui, non, c'est bien lui. Nilda Fernandez. Lui, c'est un espagnol franco quelque chose. D'accord. Oui, c'est ça. Mais bon, il est bien inspiré par l'espagnol. Quoi qu'il est venu souvent au Québec. Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL-MF. Le 89 à Québec avec Reynald Gagné. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.